brièvement. Blessé, stressé brièvement. Faut me laisser, je fais le biaiment. Rien mange, liange, priémente. Ou bien je crie, elle vend, berce. Jusqu'au trip, elle vend, cerne, transperce. Quand je vois devant de scène. Étrangement, triément sur le volet. J'suis franchement grillé, c'est 4-5 scotchés sur le volet. Grand penchant pour le billet et mon hanchement. Rien que des putes en chemin, aucun but de pute, y'a des hanchements. Et quoi? Escouade, plein des seringues. Rien à l'écouade, rien à escouade, plein des squales. Soir, d'exfoire, c'est plein d'escouade, peu d'espoir. Plein d'escouade, peu d'espoir. La vie est simple, pourtant on se la complique, complice. On pille, on pique, t'as vu ce qu'on plie. On pisse, qu'on te flique, on tisse ce qu'on plaît. Pense qu'on dit et dit que c'est trop complexe. Conflit, et ce qu'on fait qu'on te flique. En fait on se complète pour qu'elle me pèse. Énorme, elle tend qu'on passe. Et je baisse, énorme, tant que le camion passe. Pisse, la part d'un monde basé. Et sur chaque espace, pisse Jacques. Je n'ai pas de chèque, boss. Connais que l'espèce, puis Jacques, je n'ai pas de chaîne. Pisse. J'suis mon propre boss, en fume ton propre gosse. Parce qu'en face, en chien, y'a trop de gosses. Arco, ex-RN, que tu proposes. Brasse, brasse, plus trop longtemps, vautour et tour. Tourne et tour, de passe, passe, pour tourner tout. Putain, détour, le tout est tout, tout, tout, j'en passe. Survolté, côté mélo, j'tue. Ma vie, l'aime d'un côté mélo, tue. Les j'tape pas sur côté, mais au cul. Faut sursauter, enculé, surcoté, mes mots et pas un mot de plus. Survolté, côté mélo, j'tue. Ma vie, il aime d'un côté mélo, tue. Les j'tape pas sur côté, mais au cul. Faut sursauter, enculé, surcoté, mes mots et pas un mot de plus. Survolté, côté mélo, j'tue. Ma vie, il aime d'un côté mélo, tue. Les j'tape pas sur côté, mais au cul. Faut sursauter, enculé, surcoté, mes mots et pas un mot de plus. Survolté, côté mélo, j'tue. Ma vie est séquentielle, essentielle, trop de prod. J'n'ai qu'en stream, pas de prod, proc. J'fais en conséquence, stream, c'est l'essentiel. Dis tout ce qu'on sait, coincé que c'est con, gong, c'est quand crime. C'est qu'en stream, stress, c'est ce qu'on conne. Et qu'en stream, presse, pour les scons, condé, écho, peut-être. D'être, mais le tout est de mériter ses secondes. J'double à droite, mais à gauche, t'es à droite. Quand y'a pas le droit, Sarko, y'a le doigt, le gauche, l'argot. Un mec qui pense à toi, ta petite pipi. Et tes pensées étroites, si étroites, tête droite, froide. J'garderai la tête droite, soir, en droit central, froid central. J'sens le drame, qui est-ce qui descendra? En tout cas, ta cote descendra. Attention, survolté, côté mélo, j'tue. Ma vie l'aime d'un côté mélo, tue. Les j'tapes pas sur côté mais au cul. Faut sursauter, enculé, surcoté, mes mots et pas un mot de plus. Survolté, côté mélo, j'tue. Ma vie l'aime d'un côté mélo, tue. Les j'tapes pas sur côté mais au cul. Faut sursauter, enculé, surcoté, mes mots et pas un mot de plus. Survolté mec, survolté. Mouillé, marron.